ciné, sport c'est nachave comme Tarakli au bout de 3 ans. Voilà pourquoi je rappe à la chaîne comme les montagnes au bourdoisant. La méthode Sarko restera jamais une pratique de merde. Contribue à voir ma vie brisée comme Patrick Devers. Si mon son te paralyse, c'est qu'il a fait le plein de curare. Et que ma rage, même pour Pasteur, demeure incurable. Trop précieuse, mes rimes sont-elles des anges? Mon style déterre, t'étrangle. Je veux que mon son tourne plus que le boule des stèles des anges. Ma phase et ma rime, j'en ai des cargos. Ma bouche maîtrise la langue française autant que l'argot manouche. Quand je prends le mic, les flics sautent. Je suis un putain de gosse taré. Check, leur fais faire des petits sauts pendant une grosse diarrhée. Je t'amène un peu de fraîcheur, alors prends vite une petite bouffée avant que je devienne sadique comme un coup de balai derrière le petit pousset. Belle prestation, mais pour prouver que la vie de temps j'ai sordide et que de côté Sarko c'est comme se branler dans les orties. On entend sa bombarde très derrière comme si c'était ton jour. On répand les surfaces, les rimes barquent comme si t'étais en jour. On t'amène encore un freestyle, un classique dans les inédits, considéré historique comme les deux buts de Zinedine. On entend sa bombarde très derrière comme si c'était ton jour. On répand les surfaces, les rimes barquent comme si t'étais en jour. On t'amène encore un freestyle, un classique dans les inédits, considéré historique comme les deux buts de Zinedine. J'écoute ton son, j'suis pas d'accord, tous vos compos m'ont pété les couilles. Où sont passés les samples, les vrais que c'était qui fermait des bouches. J'suis juste un militant, j'donne pas de leçons car y'a pas de prophétie. Le retour du vrai rap se fait attendre tout comme une prophétie. Le soir j'crame la résine pour pas doubler mes doses d'analgésique. Le rap ça pue la merde pour s'incruster dans les analgésiques. Ils veulent faire de nous des robots, des moutons, des pantins. Toutes les journées se ressemblent et dès le matin j'ai plus d'entrain. Car les sous, s'ils me gâchent la vie, j'ai rien dans le ventre à part de la bile. Le shit se vend, le sang dans la ville, les flics descendent, la bagarre applique. J'veux oublier tout ça et m'investir dans le son, de dire que j'recouille des cicatrices avec la tisse. Serait un tissu de mensonge, ça ne permet que d'oublier que le temps t'a tout plié. Qu'il fallait se bouger le cul quand toi tu roupillais. T'inquiète si je vois de l'avenir à l'horizon, je mettrai le cap sur l'espoir. C'est comme Jésus, ça fait un bail qu'on met une croix dessus. On entend sa bombarde très derrière comme si c'était ton jour. On répand les surfaces, les rimes barquent comme si t'étais un jour. On t'amène encore un freestyle, un classique dans les inédits, considéré historique comme les deux buts de Zinedine. On entend sa bombarde très derrière comme si c'était ton jour. On répand les surfaces, les rimes barquent comme si t'étais un jour. On t'amène encore un freestyle, un classique dans les inédits, considéré historique comme les deux buts de Zinedine.